leebon amon na fi bi nak ñetti dof la dofi nak kenn ki mi ngi tuddu fou kanen ki mi ngi tuddu personne kanen ki mi ngi tuddu rien legi fou personne ak rien nak di dox ni ñi doxé dal ñom ñi ngi waxtaan di dox nek ci all bi jéki jéki rek personne daanu ci ten bi rek rien ne fou demal wote demal wote demal wo sapeur gaaw fou daal di dem composé 18 allô je suis fou j'appelle pour rien y a personne qui est tombé dans le puits fa la lay bi jeexé ku ñëk fon fon sa aljana ba